بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On continue avec ce qui concerne l'interdiction de jeûner lors des deux عيد. On lit le hadith numéro 32. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين. Le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a interdit le siyam de deux jours. يوم الفطر ويوم النحر. C'est-à-dire عيد الفطر, le عيد qui marque la fin du mois de Ramadan, et le عيد dit du sacrifice. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام interdit de jeûner ces deux jours-là. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, on va s'intéresser au fait de jeûner le jour du عيد. Est-il permis de jeûner les jours du عيد ou pas? Alors, le hadith qu'on vient de lire indique qu'il est interdit de jeûner les jours du عيد. Et tous les savants sont d'accord pour dire qu'il est interdit de jeûner le jour du عيد. Puis on va se poser cette question-là. Si une personne jeûne le jour du عيد, est-ce que son siyam est accepté? Est-ce que son siyam est valable ou pas? La réponse est que, vu que le prophète Ali salat wa salam a interdit de jeûner ces jours-là, eh bien celui qui jeûne le jour du عيد, son siyam n'est pas accepté. Comme l'a cité Cheikh Mohamed Ibn Hizam, et c'est l'avis de la majorité des savants. Puis, on passe à ce qui concerne l'interdiction de jeûner lors des jours de Tashrik. On lit le hadith numéro 33. « وَعَنْ نُبَيْشَ الْهُذَلِ رَضِي اللَّهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَمْ أَيَّمْ تَشْرِكْ أَيَّمْ أَكْلَ وَالشُّرْبْ وَذِكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ » رواه مسلم. نُبَيْشَ الْهُذَلِ رَضِي اللَّهُ عَنْ rapporte que le messager d'Allah a dit « Les jours de Tashrik sont des jours où l'on mange, boit et mentionne Allah Azza wa Jal. » Ce hadith est rapporté par Muslim. Le hadith suivant. وَعَنْ عَيْشَةَ وَابْنُ عُمَرْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّمِ التَّشْرِيكِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدَ الْهَدْيَ رواه البخاري. عَيْشَةَ et Ibn Umar رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ rapportent « Il n'a été permis de jeûner durant les jours de Tashrik qu'à celui qui n'a pas trouvé de sacrifice à faire. » Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Tout premièrement, on va s'intéresser aux jours de Tashrik. À quoi correspondent les jours de Tashrik? Les jours de Tashrik sont les jours qui succèdent à Eid al-Adha, ou Eid du sacrifice. Donc certains savants ont dit qu'il y avait deux jours de Tashrik, et d'autres savants ont dit trois jours. Mais la ville plus juste est qu'il y a trois jours de Tashrik. Et on va également se poser cette question, pourquoi est-ce que ces jours ont été nommés les jours de Tashrik? Le Hafid ibn Hajar a expliqué que cela provenait du verbe « sharraqa ». Alors, « الناس يشرقون اللحم ». Que signifie « sharraqa » C'est-à-dire que les gens exposent la viande des bêtes qu'ils ont sacrifiées au soleil pour sécher afin de la conserver. Donc, « tashrik » vient du verbe « sharraqa » qui signifie « ينشرون اللحم في الشمس ». Les gens exposent la viande au soleil afin qu'elle sèche pour la conserver. Donc, voilà l'origine du mot tashrik. La deuxième question est حكم صيام أيام التشريك. Est-il permis de jeûner les jours de tashrik ou pas? Certains savants ont dit qu'il était permis de jeûner ces jours-là. Mais l'imam al-Qurtubi a dit dans son livre Al-Mufhim قال وقال بجواز بعض السلف. Il a dit que certains salafs ont dit qu'il était permis de jeûner les jours de tashrik. وكأنهم لم يبلغوا من النهي عن صيامها. Mais il a dit que les preuves qui indique qu'il était interdit de jeûner ces jours-là, ne leur sont sûrement pas parvenus. Comme on l'a dit plusieurs fois auparavant, les savants n'avaient pas tous les hadiths sous la main. Donc, ils jugeaient en fonction des hadiths qu'ils avaient à leur disposition. Et ces preuves-là ne leur sont sûrement pas parvenues. Donc, l'avis le plus juste est ce qu'indiquent les preuves, à savoir qu'il est interdit de jeûner les jours de Tashrik, sauf, comme l'indique le deuxième hadith qu'on a lu, dans le cas de celui qui accomplit le hajj et qui ne dispose pas de bêtes à sacrifier. Donc, en ce qui le concerne, il lui est permis de jeûner les jours de Tashrik. Voilà, donc on passe à ce qui concerne le siyam du vendredi maintenant. Alors, on lit le hadith suivant. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَا تَخْتَصُّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنَ اللَّيَالِي. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit ne spécifiez pas la nuit du vendredi parmi les autres par une veille en salat, par une veille en prière. Wa la tahtassu yawm al-jum'ah bi siyam min bayn al-ayyam. et ne spécifiez pas la journée du vendredi par un siyam. Illa yakuna fi sawm yasumu ahadukum, sauf s'il est inclus dans un siyam, c'est-à-dire s'il est inclus dans un siyam que la personne a coutume de faire. Par exemple, si la personne a l'habitude de jeûner un jour sur deux et que son siyam tombe le vendredi, alors dans ce cas-là, il lui est permis de jeûner le vendredi. Ce hadith est rapporté par Muslim. Le hadith suivant, وعن وعيدا رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. Le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit que personne ne jeûne le vendredi sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. On va s'intéresser au siyam du vendredi. Est-il permis de jeûner le vendredi ou pas? On va rapporter ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi dans son commentaire de Bulugh al-Maram. قال الشيخ ابن عثيمين يوم الجمعة لا يفرض بالصوم إلا في مسألتين. Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'il n'était permis de jeûner le vendredi que dans deux cas. Alors quels sont ces deux cas? قال إذا كان عادة. Le premier cas est lorsqu'il s'agit d'un siyam habituel. Par exemple, si la personne a l'habitude de jeûner un jour sur deux, eh bien forcément, à un moment, eh bien, son siyam va correspondre avec le vendredi. Eh bien, dans ce cas-là, il lui est permis de jeûner le vendredi. Et le deuxième cas est وَإِذَا صَامَ يَوْمًا قَبْلَ أَوْ يَوْمًا بَعْدَ. Et le deuxième cas est lorsqu'on jeûne un jour avant ou un jour après. Donc, si l'on jeûne le jeudi et le vendredi, cela est permis. Et si l'on jeûne le vendredi et le samedi, eh bien, cela est permis, comme l'indique le hadith qu'on a lu. Donc, voilà les deux cas dans lesquels il est permis de jeûner le vendredi. Et ce qui appuie ce sens est ce hadith d'Al-Bukhari et Muslim qui ont rapporté que lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, s'est rendu auprès de Juwayriya, eh bien il l'a trouvé en train de jeûner. Et c'était un vendredi. Donc il lui a demandé, à Sumti Ams, il lui a demandé si elle avait jeûné la veille. Elle a répondu non. Puis il lui a demandé si elle comptait jeûner le lendemain. Elle a répondu non. Puis il lui a demandé de rompre le siyam. Donc ce hadith appuie le sens qu'il est permis de jeûner le vendredi, si on jeûne un jour avant ou un jour après. Donc voilà pour ce qui en est du siyam du vendredi. On passe à ce qui concerne le siyam de la deuxième moitié du mois de Sha'ban. وعن وعيدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ne jeûnez plus à partir de la moitié de Sha'ban. Ce hadith qui est rapporté par Ahmed, Abu Dawud et d'autres a été critiqué. Certains savants ont critiqué ce hadith. C'est le cas entre autres de l'imam Ahmed et également Yahya ibn Ma'in et Abu Zura'a. Donc certains savants considèrent que ce hadith-là est da'if. Et ça c'est très important car les ahkam, les jugements vont dépendre de l'authenticité de ce hadith. Alors ici justement la question qu'on va se poser est-il permis de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban. L'imam Sanani a dit que les savants ont divergé sur cette question-là. Il a dit que certains savants ont dit qu'il était interdit de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Et donc, ces savants-là se sont appuyés sur le hadith qu'on a lu. « إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا » « Ne jeûnez plus à partir de la moitié de Sha'ban. » Mais on a vu que ce hadith-là était da'if. Il est faible, donc il ne peut pas servir d'argument. Puis il a cité que certains savants ont dit que cela était déconseillé et d'autres ont dit que cela était conseillé, qu'il était conseillé de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Et Sheikh Mohammed ibn Hizam a dit que c'était l'avis le plus juste. L'avis le plus juste est qu'il est conseillé de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Alors tout premièrement, on a vu que le hadith qu'on a lu qui indique qu'il est interdit de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban n'est pas authentique, donc ce n'est pas un argument. Et de plus, il y a un hadith rapporté par Aïcha qui a dit وَمَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ أَكْثَرَ مِنُ سِيَامًا مِنْ شَعْبَانُ. Aïcha a dit qu'elle n'avait pas vu le prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ jeûner plus que pendant le mois de Sha'ban. Et ce hadith est authentique. Et également, un autre hadith rapporté par Salama, où elle a dit « Anna wa kana la yasum min as-sana shahran taman illa Sha'ban ». Umm Salama a dit qu'elle n'avait pas vu le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, jeûner un jour tam. Alors tam signifie complet. Elle n'a pas vu le prophète jeûner un mois complet en dehors du mois de Sherban. Mais ici, attention, il ne faut pas comprendre avec cette expression tam que le prophète, alayhi salatu wa salam, jeûnait tous les jours. Non, ça c'est une expression en arabe. On dit en arabe, sama shahra kullah, c'est-à-dire il a jeûné le mois entier, pour désigner le fait qu'il a jeûné la plupart des jours, la majorité du mois. Donc c'est une expression en arabe pour dire que le prophète, alayhi salatu wasalam, avait jeûné la plupart des jours du mois de Sherban, et non pas tous les jours du mois de Sherban. Donc ce hadith-là indique bien qu'il est recommandé de jeûner la deuxième moitié du mois de Sherban. Donc voilà, en résumé, la ville plus juste est qu'il est conseillé de jeûner même pendant la deuxième moitié du mois de Sherban. Puis on passe à ce qui concerne le sixième du samedi. On lit le hadith suivant. وعن الصماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, a dit « Ne jeûnez pas le samedi, sauf pour ce qui vous a été imposé. »« فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءِ عِنَبْ أَوْ عُودَ شَجَرًا فَلْيَمْدُوهَا » Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton, c'est-à-dire pour rompre le siyam, alors mâchez-le. Ce hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud et d'autres. Et les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Certains le considèrent authentique et d'autres l'ont critiqué. D'autres ont dit qu'il était daïf, qu'il était faible. C'est le cas de l'imam Malik. Alors l'imam Malik a dit que ce hadith-là était daïf. Et l'imam Abu Daoud a dit qu'il était mansour, c'est-à-dire abrogé. Cheikh Mohamed ibn Hizam a fait une recherche sur le hadith et il en a conclu qu'il était authentique, qu'il était sahih. Le hadith suivant, وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. أم سلمة رضي الله عنها rapporte que les jours que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام jeûnait le plus souvent étaient le samedi et le dimanche. وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. Et il disait: ce sont deux jours de célébration des mushrikins, des polythéistes, et je veux me différencier d'eux. Ce hadith, qui est rapporté par An-Nasa'i et d'autres, est daif, est faible. Cheikh Mohamed ibn Hizam a cité que ce hadith était faible en raison de Mohamed ibn Omar, qui est dans la chaîne de transmission. Et Cheikh Al-Albani également a cité que ce hadith-là était faible, daif. Alors ici, on va s'intéresser au fait de jeûner le samedi. Est-il permis de jeûner le samedi? Cheikh Mohamed ibn Hizam a dit que Shafi'i, également le Hanabila, sont d'avis qu'il est réprouvé de jeûner le samedi. On est en train de parler de jours supplémentaires, bien sûr. En ce qui concerne le Ramadan, il n'y a pas de problème, d'accord? Pendant le Ramadan, on jeûne tous les jours, mais que ce soit le samedi ou autre, on est obligé de jeûner tous les jours. Là, on est en train de parler de celui qui jeûne des jours supplémentaires le samedi. Donc, ils ont dit que cela était réprouvé. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on vient de lire, où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Ne jeûnez pas le samedi, sauf pour ce qui vous a été imposé. Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton pour rompre le siyam, alors mâchez-le. » Puis, Cheikh Mohamed ibn Hizam a cité des paroles de savants qui clarifient le sens de l'interdiction. Alors, il a dit que Tirmidhi a dit « Wa ma'na nahi yaqtasu rajul bi siyam » L'imam Tirmidhi a expliqué que l'interdiction était dans le cas où la personne spécifiait le samedi pour jeûner. Si la personne spécifie ce jour-là par le siyam, alors dans ce cas-là, cela est interdit. Puis il a dit la raison pour laquelle cela est interdit, car les juifs accordent une certaine importance au samedi. Le samedi est un jour spécial pour les juifs, donc il ne faut pas chercher à les imiter. Et l'imam Ibn Khuzaymah a cité le même sens. Il a dit que l'interdiction de jeûner le samedi était due au fait que les juifs accordent une certaine importance au samedi. Donc, il ne faut pas faire comme eux. Alors, que signifie le fait de spécifier? Je vais donner un exemple. Nous, on peut jeûner le lundi et le jeudi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on spécifie ces jours-là? La réponse, parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, a recommandé de jeûner ces jours-là. Donc, on spécifie ces jours-là par le siyam, en jeûnant ces jours-là, car le prophète, alayhi salatu wa salam, a recommandé de jeûner ces jours-là. Et également, ayyam al-bid, les jours qui correspondent à la moitié du mois, les jours de pleine lune. Eh bien, on peut spécifier ces jours-là, en jeûnant ces jours-là. D'accord ? Pourquoi ? Car le prophète, alayhi salatu wa salam, a également recommandé de jeûner ayyam al-bid, les jours de pleine lune. Eh bien, on n'a pas le droit de faire la même chose avec le samedi. On n'a pas le droit de spécifier le samedi en jeûnant ce jour-là, en lui accordant une certaine importance, en spécifiant ce jour-là. Car on n'a aucune preuve à ce sujet-là. Et comme on l'a dit, eh bien, le samedi est un jour spécial pour les juifs. Tout comme le vendredi est un jour spécial pour les musulmans dans la semaine, eh bien, le samedi est un jour spécial pour les juifs dans la semaine. Et pour les chrétiens, eh bien, c'est le dimanche. Le samedi, comme vous le savez sûrement, est le jour du Shabbat pour les Juifs. C'est un jour où normalement, ils doivent se concentrer sur la famille et le foyer et réduire les activités extérieures. Et c'est un jour où ils n'ont pas le droit de faire certaines choses. Alors, normalement, théoriquement, par exemple, ils n'ont pas le droit d'allumer un feu. C'est pour ça qu'ils allument leurs bougies avant le début du Shabbat, car ils n'ont pas le droit d'allumer un feu pendant le Shabbat. Et également, théoriquement, ils n'ont pas le droit de conduire. Et aussi, théoriquement, ils n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité. Ils n'ont pas le droit d'utiliser d'appareils électriques pendant le Shabbat. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'allumer ou éteindre les lumières. Et ça, une fois, un de mes amis m'a dit qu'une fois l'ascenseur était tombé en panne, donc il était descendu par les escaliers de son immeuble. Et il a trouvé quelqu'un qui était assis dans le noir. Et en fait, c'était un juif, et il lui a expliqué que c'était Shabbat, et donc il ne pouvait pas appuyer sur l'interrupteur. Il ne pouvait pas allumer la lumière. Et également, théoriquement, normalement, ils n'ont pas le droit de manipuler de l'argent, se couper les cheveux et d'autres choses. Et en fait, eh bien, ils disent que Dieu a créé les cieux et la terre en six jours et s'est reposé le septième jour. Donc, voilà la raison pour laquelle ils doivent se reposer ce jour-là. Tout comme Dieu s'est reposé le septième jour, selon eux bien sûr, eh bien, les Juifs doivent se reposer le jour de Shabbat. Eh bien, comparer cela à ce qu'Allah Azzawajal a cité dans le Coran. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. Ne voit-il pas qu'Allah Azzawajal a créé les cieux et la terre ولم يعي بخلقهن. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal n'a pas été fatigué par leur création. La création des cieux et de la terre n'a causé aucune fatigue Allah Azza wa Jal. Comparez ce qu'ils disent et ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ الْأَسْمَ الْحُسْنَ وَالصِّفَةَ الْعُلَى. Allah a les noms parfaits et les attributs parfaits. Il n'a aucun axe, il n'a aucune diminution. Et Allah Azza wa Jal ne se fatigue pas, donc il n'a pas besoin de se reposer. Allah Azza wa Jal n'est pas comme les humains. Les humains, nous, lorsqu'on travaille, on se fatigue, donc on a besoin de se reposer. Allah Azza wa Jal, eh bien, n'a pas besoin de se reposer. La création des cieux et de la terre n'a causé aucune fatigue à Allah Azza wa Jal. L'imam Ibn Kathir a dit dans son tafsir, قال لها كوني فكانت. Allah Azza wa Jal a dit à la création كوني, c'est-à-dire soit, et la création fut. Donc, comparer ce que les juifs disent en prétendant qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre en six jours et s'est reposé le septième, et ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran en éclaircissant que la création des cieux et la terre n'a causé aucune fatigue à Allah Azza wa Jal. Donc voilà, en résumé, l'interdiction de jeûner le samedi dans le cas où on spécifie ce jour-là, lorsqu'on accorde une certaine importance au samedi. Mais sinon, si on n'accorde aucune importance au samedi, eh bien, il est permis de jeûner le samedi. Il est permis de jeûner le samedi si on ne spécifie pas ce jour-là par le siyam. Et ça, comme on l'a dit, c'est en se basant sur l'authenticité de ce hadith. Ne jeûnez pas le samedi sauf pour ce qui vous a été imposé. Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton pour rompre le siyam, alors mâchez-le. D'accord ? Mais, comme on l'a dit, certains savants considèrent ce hadith comme étant daif, comme étant faible. C'est le cas de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin a cité dans son commentaire de Bulugh al-Maram que ce hadith était da'if. Il a cité des éléments qui appuyaient le sens que ce hadith était da'if. Il a cité que le texte du hadith en lui-même indiquait que ce hadith était daïf. Alors, il a dit entre autres que le fait de manger n'était pas une condition pour rompre le siyam. Alors, pourquoi est-ce qu'il a cité cela par rapport à la parole ? Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton pour rompre le siyam, alors mâchez-le. Il a dit que le fait de manger n'est pas une condition pour rompre le siyam. Il suffit d'avoir l'intention, la niya, de rompre le siyam pour que le siyam soit invalide. Donc la niya à elle seule suffit. Cheikh Ibn Uthaymeen veut dire, pourquoi faudrait-il aller mâcher un bout de bois alors que la seule niya, la seule intention suffirait pour rompre le siyam. Et également, il a cité que ce hadith allait à l'encontre d'autres hadiths authentiques où le prophète alayhi salatu wasalam a montré qu'il était permis de jeûner le samedi, comme le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a indiqué qu'il était permis de jeûner le vendredi si on jeûne un jour avant ou un jour après. Donc, lorsqu'on jeûne un jour après, cela correspond au samedi. Donc ici, cela indique qu'il est permis de jeûner le samedi. Donc voilà, en résumé, on a cité les deux cas. Si on dit que le hadith est authentique, eh bien, l'interdiction porte dans le cas où la personne spécifie le samedi par le jeûne. Et dans le cas où il est daïf, eh bien, il n'y a aucun problème, car eh bien, ce hadith n'est pas un argument indiquant qu'il était interdit de jeûner le samedi. Donc voilà en résumé la question qui se rapporte au siyam du samedi. Donc voilà pour ce dars où on a vu plusieurs questions. Alors on a traité l'interdiction de jeûner lors des deux Aïd, également l'interdiction de jeûner lors des jours de Tashrik. On a vu également le siyam du vendredi, le siyam de la moitié, de la deuxième moitié du mois de Sha'ban et enfin le siyam du samedi. Wa ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.